La maison d'édition de la ville de Chita du territoire de Zabaïkal de Russie a fait paraître en brochure l'œuvre classique du maréchal Kim Jong-un, Soyez les piliers d'une Corée puissante et prospère.